Section 43, deuxième partie, chapitre 12. Tous deux étaient à bout de force. Cependant, après quelques instants, Emmanuel se redressa. « Maintenant, dit-il, j'ai une dernière prière à t'adresser. C'est de tâcher d'effacer de ton souvenir cette terrible confession. Je l'ai faite parce que je devais la faire. Mais ce que je te demande, c'est de l'oublier, ou tout au moins de te conduire avec moi comme si tu l'avais oublié. Jamais un mot à ce sujet, n'est-ce pas? Jamais une allusion. Moi, de mon côté, je m'efforcerai de chasser cette idée fixe qui s'impose à mon esprit. Avec ton aide, surtout avec ton amour, j'y parviendrai peut-être. » Charlotte n'avait pas répliqué. Qu'eût-elle dit? Elle aussi sentait sa raison chancelante, et elle n'osait plus parler. Il fallait qu'elle se recueillît. Elle avait été emportée par un torrent qui l'avait roulée dans un gouffre. À quoi se cramponner maintenant? Comment se sauver? Surtout, comment le sauver? De quel côté étendre la main? Quel mouvement faire? Elle avait cru être habile en agissant comme elle avait agi, et elle avait commis au contraire une faute qui pouvait avoir les plus effroyables conséquences. Pour ne pas exciter la jalousie de son mari, elle s'était engagée dans un mensonge, et elle avait ainsi provoqué l'explosion de l'affreuse maladie qu'elle avait précisément voulu écarter. Pouvait-elle maintenant revenir sur ce qu'elle avait dit? Fallait-il qu'à son tour, elle se confessât avec une entière sincérité? Ne serait-ce pas une nouvelle faute ajoutée à la première? Et celle-là ne serait-elle pas plus grave encore dans ses conséquences que la première ne l'avait été? Toutes ces questions se heurtaient dans sa tête et elle se sentait incapable de les résoudre. Elle était même incapable de les examiner raisonnablement. Car avant tout, il fallait qu'elle s'occupât d'Emmanuel et le tirât de la prostration dans laquelle il était tombé après cette crise. Il était près d'elle, plongé dans un accablement morne, le visage pâle, les yeux sombres. C'était à lui qu'elle devait penser tout d'abord. Plus tard, elle réfléchirait et chercherait un moyen pour sortir de cette affreuse situation. Mais par malheur, il ne suffit pas de chercher pour trouver. Lorsque, dans le calme de la nuit, elle avait examiné à nouveau cette situation, elle était restée impuissante en face des difficultés qui, de tous côtés, l'enserraient. Pas d'issue, ou tout au moins, elle n'en avait pas vu. Les expériences lui étaient défendues. Elle ne pouvait pas s'engager à la légère, et la seule route qui lui était permise était celle qui, par des points déterminés, la conduirait au but certain. Ces points, ce but, elle ne les avait pas trouvés. La seule chose positive qui était résultée de son examen était la conviction qu'elle tenait entre ses mains la vie de son mari. 1000 routes pour se perdre, pas une seule pour se sauver. Elle avait alors pensé à s'adresser à Georges. Ce qu'elle n'avait pas vu, il le verrait peut-être. Il la conseillerait, il la guiderait. Mais son esprit ne s'était pas arrêté longtemps à cette idée. Elle ne devait pas revoir Georges. C'était même un crime d'avoir pensé l'appeler près d'elle. Qu'arriverait-il si une seconde fois Emmanuel le rencontrait, ou si par un hasard quelconque il apprenait sa visite? Cependant, quand son impuissance pour sortir de cette situation fut reconnue par elle, elle fut bien obligée de revenir encore à Georges. Il lui fallait un conseil, et c'était à Georges seul qu'elle pouvait s'adresser. À qui se confier? Elle ne voyait personne autour d'elle. Un médecin? Elle n'en connaissait point à Paris, et elle ne pouvait consulter le premier venu. Elle ne verrait pas Georges, elle lui écrirait, et par ce moyen, les conséquences dangereuses de sa démarche seraient évitées. Elle s'entoura de toutes les précautions que prend une femme coupable pour écrire cette lettre, et sans éveiller l'attention, elle put jeter dans la boîte de l'hôtel un court billet ainsi conçu. « Ce que vous m'avez dit d'Emmanuel me cause la plus douloureuse angoisse. Je ne peux pas admettre qu'il n'y a qu'à attendre les bras croisés. Je veux consulter un médecin qui me conseille. En connaissez-vous un auquel je puisse m'adresser avec pleine confiance? Faites-le-moi connaître, je vous prie. Je vous demande instamment de ne pas m'apporter vous-même votre réponse. Vous voudrez bien me l'envoyer chez ma couturière, Madame Leblanc, rue Louis-le-Grand, numéro 53, où j'irai la prendre. Charlotte. Le médecin que je vous demande doit être un homme de conscience autant que de savoir. » Ce fut seulement 3 jours après avoir écrit ce billet qu'elle put aller chercher la lettre de Georges, car pendant ces 3 jours, Emmanuel ne la laissa pas seule un instant. La réponse de Georges ne contenait que ces quelques mots non signés. Louville, rue Lepelletier. Je lui annonce votre prochaine visite. Vous trouverez en lui l'homme que vous demandez. Son nom fait autorité dans la science. » Si Charlotte n'avait pu que difficilement trouver l'occasion d'aller chercher cette lettre chez sa couturière, elle eut bien plus de peine encore pour se rendre chez le docteur Louville. Il fallait faire coïncider l'heure de la consultation du médecin avec les heures où Emmanuel était absent pour ses affaires. Il fallait qu'elle eût elle-même de bonnes raisons pour expliquer sa sortie si elle était connue. Toutes conditions difficiles à réunir. Enfin, un jour qu'Emmanuel avait un rendez-vous avec ses entrepreneurs et son architecte, elle put se faire conduire rue Lepelletier. Pendant tout le temps qu'avait duré cette attente, elle avait arrangé ce qu'elle dirait au docteur Louville. Mais quand elle tira le cordon de sa sonnette, elle ne trouva pas un seul mot de ce qu'elle avait préparé. Quel homme était ce docteur? Comment allait-il la recevoir? Elle trouva un homme, jeune encore, aux cheveux frisés et pommadés, cravaté de bleu, décoré de rouge, de vert, de jaune, de blanc, habillé avec goût, qui la reçut en souriant. « Monsieur Safarel a dû vous annoncer ma visite, » dit Charlotte. « C'est à Madame Darbanton alors que j'ai l'honneur de parler, » dit le docteur Louville en donnant à son visage l'expression d'une émotion sympathique. « Monsieur Safarel m'a écrit, en effet, et je vous communiquerai sa lettre chaleureuse si je n'avais pour règle de brûler toutes les lettres de ce genre. Il faut ne conserver aucun document qui puisse divulguer des secrets que les familles tiennent à ensevelir. C'est précisément d'un de ces secrets que vous voulez m'entretenir, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. » La lettre de Monsieur Safarel, avec une clarté et une précision dignes en tout point de l'homme éminent qui l'a écrite, me dit qu'il s'agit d'un cas d'hérédité, ou plus justement, afin de préciser, il s'agit de savoir si monsieur votre mari est menacé du même sort que sa mère dans un avenir éloigné, très éloigné. « Hélas, monsieur, ce n'est plus d'un avenir plus ou moins éloigné qu'il s'agit, c'est du présent. »« Du présent, alors, madame, veuillez vous expliquer. Car si je vous comprends, et je ne crains que trop de vous comprendre, les faits ont marché depuis la lettre de monsieur Safarel. Je vous écoute, madame. » Le docteur Louville avait une manière d'écouter vraiment admirable, et les confidents de tragédie auraient gagné à prendre ses leçons. L'intérêt, la pitié, l'encouragement, tout se trouvait réuni dans son attitude et dans l'expression de son visage. Cependant, Charlotte se sentit mal à l'aise. Elle eût été plus libre avec un vieux bonhomme bourru qu'avec ce médecin qui faisait profession de bienveillance et d'élégance. Mais elle n'était pas venue pour écouter ses répugnances plus ou moins justes, ni pour consulter ses propres convenances. Il ne s'agissait pas d'elle. Les heures, les minutes pressaient, il fallait parler. Elle parla. Tout ce qui s'était passé avec Georges, tout ce qui s'était dit et passé ensuite entre elle et son mari, elle le rapporta fidèlement, sans rien cacher ou rien atténuer. Elle aussi avait sa confession douloureuse, et ce n'était point à un cœur ami qu'elle s'adressait. Le docteur Louville, pendant qu'elle avait parlé, n'avait pas changé son attitude. Il était resté, les yeux fixés sur elle, le regard attendri, et de temps en temps seulement il avait levé la main pour l'encourager, en lui marquant bien qu'il sympathisait avec sa douleur. « Ainsi, dit-il, monsieur votre mari va atteindre l'âge qu'avait madame sa mère lorsque ce suicide est arrivé. »« Oui, monsieur. » »« Parfait. Encore une question. Ainsi, monsieur votre mari vous a bien dit qu'il voyait sans cesse devant lui monsieur Safarel. » ?»« Il m'a dit, Georges hante mon esprit. Je le vois partout. » La nuit, le jour, je le vois, je lui parle. Ce sont ses propres paroles. Elles sont trop frappantes pour que je les oublie. Parfait. Veuillez remarquer, dit-elle en insistant, que c'est sur ma parole qu'il a consenti à croire qu'il n'avait pas vu ce qu'il avait en réalité parfaitement vu. Il ne faut pas, madame, vous exagérer votre responsabilité en tout ceci. Elle n'est pas aussi grande que vous pouvez le croire. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Si vous aviez avoué la visite de monsieur Safarel, vous auriez exaspéré la jalousie de votre mari. Peut-être, mais en la niant, je l'ai amené fatalement à croire qu'il avait été victime d'une hallucination. Sachez, madame, qu'on ne se reconnaît point ainsi victime d'une hallucination sans être dans certaines conditions particulières. Et c'est là le cas de votre mari. si grande que soit sa foi en votre parole, il n'eût point admis qu'il n'avait pas vu M. Safarel s'il n'avait pas eu conscience qu'il subissait des hallucinations visuelles. « Alors, demanda Charlotte, en hésitant, mon mari est pour vous halluciné ?»« Parfaitement, madame, et je dois ne pas vous cacher que son état me paraît grave, à l'heure surtout qu'il se produit avec cette coïncidence d'âge. » Elle pâlit affreusement, le docteur Louville vint vivement à elle. « Vous trouvez-vous mal ?»« Non, monsieur, l'émotion seulement. » « Remettez-vous, rassurez-vous, je ne dis pas que le cas de votre mari soit désespéré. Je crois qu'il est guérissable. »« Ah, monsieur, que faut-il faire? Guidez-moi, sauvez-le. » « L'isolement, madame. » Elle le regarda comme si elle n'avait pas entendu cette réponse. « Je veux dire que votre mari doit être soustrait aux influences qui l'entourent et au milieu desquelles sa maladie s'est développée. Il faut le confier à des soins éclairés, et soyez certaine qu'on vous le rendra promptement guéri. »« Quels soins? Ne puis-je pas le soigner moi-même ? » ?»« Non, madame, cela pourrait être dangereux pour vous et pour lui. Vous ne savez pas de quoi un halluciné est capable. Sans vous citer des exemples, je vous rappellerai seulement le souvenir de sa mère. Le conseil que je vous donne est de le placer pendant un certain temps dans une maison de santé. » « Une maison de santé, mon mari? Mais sa folie, si folie il y a, n'est causée que par sa peur d'être fou, et vous voulez lui donner précisément la preuve qu'il est fou ?»« Je vous répète ce que je vous ai dit, madame. En gardant près de vous, monsieur votre mari, vous l'exposez, et vous vous exposez vous-même à tous les dangers. En le plaçant dans une maison de santé, vous assurez sa guérison. » « Jamais, monsieur. » « Alors, madame, dit le docteur Louville en se levant, il était inutile de me consulter si vous ne vouliez pas suivre mon avis. Les gens du monde ont, je ne le sais que trop, une manière de comprendre la folie qui n'est pas celle des médecins. Fasse le ciel que la responsabilité que vous assumez en ce moment ne vous soit pas trop lourde. » Fin de la section 43.